pour une toute nouvelle surprise. Quoi de meilleur qu'un Kinder Surprise? C'est toujours une super surprise. Mesdames et messieurs, des surprises jamais vues. Sensationnelles ces surprises. On se régale. Quelle bonne surprise. Kinder Surprise, quelle surprise allez-vous inventer aujourd'hui?